me suis fait seul, you you you. Je vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you you. Je me suis fait seul, you you you. Je vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you. Putain maman tu avais raison. Moi j'ai connu la trahison, les blessures et les guérisons. Que des poussettes j'ai les frissons. Et de base moi j'suis nia. Ils veulent me remplacer par l'IA. Mon bébé ma poupille sans la vanille. Le rap tu dis, proto qu'est-ce tu dis? J'vais faire des sous jusqu'à construire un building. DP pas Gucci, moi j'ai pas d'outils. Moi j'suis de l'époque où les petites braquées en Ludix. Pas de plaque ça tourne, quand y'a la plaque ça court. Ça fait des sous, les sons et tac tac ça tourne. Dans le four des plaques, plaques ça coupe. Ça t'arnaque, ça trouve, ça fait des coups. Les fous, mais c'est comme en promenade ça tourne. J'me suis fait seul, you you you. J'vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you you. J'me suis fait seul, you you you. J'vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you. Putain maman tu avais raison. Moi j'ai connu la trahison, les blessures et les guérisons. Que des poussettes j'ai les frissons. Les jaloux laissent les huissons. Toujours précis quand nous visons. Discret comme un paysan. Le fusil de chasse à la maison. Et de base moi j'suis nia. Ils veulent me remplacer par l'IA. Mon bébé ma poupille sans la vanille. Fais tes comptes, 200 singles d'or, 33 albums. Ouais, fais tes comptes, frérot, tu vois pas, je chante. J'suis pas de ceux qui pressent la détente. J'te fais du bien, tu parles mal, tu moi seul, ouais, fais tes comptes. Direction Alicante, on est en détente. Avec le petit frère et les autres, toi que tu pompes. Jules, vas-y fais les terres. RS, 7, gros moteur. Même les motards, je les perds. Je me suis fait seul, you you you. Je vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you you. Je me suis fait seul, you you you. Je vais finir seul, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you. Putain maman, tu avais raison. Moi j'ai connu la trahison, les blessures et les guérisons. Que des poussettes, j'ai les frissons. Les jaloux laissent les huissons. Chasse à la maison. Et de base moi j'suis nia. Ils veulent me remplacer par l'IA. Mon bébé ma poupille, elle sent la vanille.